Québec en alerte. Ceci est une alerte émise par la Sûreté du Québec, Montérégie. Le 11 décembre à 13h50, Angelo Mitro, 9 ans, a été enlevé à Marieville par Vicky Leclerc, 39 ans. Un véhicule Chevrolet, cru, 2012, rouge, immatriculé P8, 2e VR recherché. Si vous avez des informations, contactez le 911 et n'approchez pas la suspecte. Pour obtenir les photos et les descriptions, consultez Alerte en BK et les médias locaux.